Au micro, c'est VYDO, je suis un adolescent qui vient et qui représente 8-900. Je paierai avec le cœur et ça se ressent. 2-0-0-7, c'est pas toujours la fête des vies humaines. Une certitude qu'il y en a sur d'autres planètes. Je rappe sous l'effet d'une barrette. Écoute, ces lyrics, ils viennent pas d'un poète. Ok, je suis pas un saint, mais va savoir ce qui se passe dans ma tête. Je suis au bloc 7, vapeur de fumette. Je sors le sommeur de ma chaussette. Je suis bien dans mes baskets, je suis défoncé. Je suis stone, mes neurones se diminuent, soir ceux. Je veux pas galérer seul dans la rue. Car je suis monté au ciel, je kifferai être immortel. Ce monde est magnifique, mais je sais que mes yeux figés vers le bas, c'est pas comme ça, c'est plutôt maléfique. C'est la misère, la galère, et ouais, c'est de la France que je parle, frère. Je pose sur l'instrumental de la galère sans oseille. J'en place une pour Icane 7-7, la Marne est saine, j'ai la Jura. J'en place une aussi pour le rat, c'était VYDO en train de faire. À 20 ans, jeune insolent, au 8-900, commence dans un coin de ma chambre. Un stylo, et rien que ça sent la solitude d'une feuille blanche. Ça gribouille, ça chante, ça écrit, ça rentre pas dans ma tête. Ça lâche les rimes, ça s'entête, ça pique grave en cachette. Discrète, j'pars pas de casquette, j'suis pas le genre, même dans ma tête. Mon bloc 7 sans la fumette, 2-0-0-7, j'me sens bien dans mes baskets. Pourtant, plus d'une salope, plus vraiment culé, je le sais, mais t'inquiète. Pas question de se laisser marcher sur les pieds, juste bercé par l'envie de rapper. Récuse vidéo, on a un projet à mettre à terme, le SNDK des rimes qui restera jusqu'à ce qu'on m'enterre sur cette terre. Je veux pas me taire, je suis pas là pour chanter la galère, plutôt la misère qui règne sur cette terre maternelle. Je me croyais miséreux d'habiter en HLM, mais je vois partout dans le monde comment résiste cette souffrance et ce stress. Ça me met en transe, RICEUS sur des larmes de tristesse. RICEUS sur des larmes de tristesse.